était long, mais il reste plus rien du ranch. Y a plus de champs dans les plaines de cet endroit-là. Ne reste plus que des planches, les stalles destriées et leurs os éparpillés. Toi les peaux cassées, les branches. Guidiam, guidada, guidiam, guidada, ranch. Passé Malon, car il reste plus rien du ranch. Est-elle enterrée là, auprès de l'Hippolyte, dormant dans une belle robe blanche? Ganon attend là-haut que je lui fasse la peau. Allons-y et vengeons le ranch. Guidiam, guidada, guidiam, guidada, ranch. Dans les ruines du ranch.